anjo, quando te verei da colir, anjo vive, ure couvert, musique encore avant espion. Yo fais tout ça pour yo débarrer, ou qu'à chanter. Laissez ça pour y jaillir, laissez yon triper. Amayo, qui que peut changer la terre. Laissez ça pour y jaillir, laissez yon triper. Chanter.